Section 5 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 5. Herlock Sholmès ouvre les hostilités. Que désirent ces messieurs? Ce que vous voulez, répondit Arsène Lupin, en homme que ces détails de nourriture intéressaient peu. Ce que vous voulez, mais ni viande ni alcool. Le garçon s'éloigna, dédaigneux. Je me criai : Comment, encore végétarien? « De plus en plus, affirma Lupin. Par goût? Par croyance? Par habitude? Par hygiène. Et jamais d'infraction? Oh, si, quand je vais dans le monde, pour ne pas me singulariser. » Nous dînions tous deux près de la gare du Nord, au fond d'un petit restaurant où Arsène Lupin m'avait convoqué. Il se plaît ainsi, de temps à autre, à me fixer le matin, par télégramme, un rendez-vous en quelque coin de Paris. Il s'y montre toujours d'une verve intarissable, heureux de vivre, simple et bon enfant. Et toujours c'est une anecdote imprévue, un souvenir, le récit d'une aventure que j'ignorais. Ce soir-là, il me parut plus exubérant encore qu'à l'ordinaire. Il riait et bavardait avec un entrain singulier. Et cette ironie fine qui lui est spéciale, ironie sans amertume, légère et spontanée. C'était plaisir que de le voir ainsi, et je ne pus m'interdire de lui exprimer mon contentement. « Eh oui, s'écria-t-il, j'ai de ces jours où tout me semble délicieux, où la vie est en moi comme un trésor infini que je n'arriverai jamais à épuiser. » Et Dieu sait pourtant que je vis sans compter. Trop, peut-être. Le trésor est infini, vous dis-je. Je puis me dépenser et me gaspiller. Je puis jeter mes forces et ma jeunesse aux quatre vents. C'est de la place que je fais à des forces plus vives et plus jeunes. Et puis vraiment, ma vie est si belle. Je n'aurais qu'à vouloir, n'est-ce pas, pour devenir du jour au lendemain, que sais-je, orateur, chef d'usine, homme politique. Eh bien, je vous le jure, jamais l'idée ne m'en viendrait. Arsène Lupin, je suis. Arsène Lupin, je reste. Et je cherche vainement dans l'histoire une destinée comparable à la mienne, mieux remplie, plus intense. Napoléon? Oui, peut-être. Mais alors, Napoléon, à la fin de sa carrière impériale, pendant la campagne de France, quand l'Europe l'écrasait, et qu'il se demandait à chaque bataille si ce n'était pas la dernière qu'il livrait. Était-il sérieux? Plaisanta-t-il? Le ton de sa voix s'était échauffé. Il continua. Tout est là, voyez-vous, le danger. L'impression ininterrompue du danger. Le respirer comme l'air que l'on respire, le discerner autour de soi qui souffle, qui rugit, qui guette, qui approche. Et au milieu de la tempête, restez calme, ne pas broncher. Sinon, vous êtes perdu. Il n'y a qu'une sensation qui vaille celle-là, celle du chauffeur en course d'automobile. Mais la course dure une matinée, et ma course à moi dure toute la vie. Quel lyrisme, m'écriai-je. Et vous allez me faire accroire que vous n'avez pas un motif particulier d'excitation? Il sourit. « Allons, dit-il, vous êtes un fin psychologue. Il y a en effet autre chose. » Il se versa un grand verre d'eau fraîche, l'avala et me dit, « Vous avez lu Le Temps d'aujourd'hui? » Ma foi, non. Herlock Sholmès a dû traverser la Manche cet après-midi et arriver vers 6 heures. « Diable, et pourquoi? » Un petit voyage qui lui offre les Crozons, le neveu d'Autrec et le Gerbois. Ils se sont retrouvés à la gare du Nord, et de là, ils ont rejoint Ganimard. En ce moment, ils confèrent tous les 6. Jamais, malgré la formidable curiosité qu'il m'inspire, je ne me permets d'interroger Arsène Lupin sur les actes de sa vie privée, avant que lui-même ne m'en ait parlé. Il y a là, de ma part, une question de réserve sur laquelle je ne transige point. À ce moment, d'ailleurs, son nom n'avait pas encore été prononcé, du moins officiellement, au sujet du diamant bleu. Je patientais donc, il reprit. Le Temps publie également une interview de cet excellent Ganimard, d'après laquelle une certaine dame blonde, qui serait mon amie, aurait assassiné le baron d'Autrec et tenté de soustraire à madame de Crozon sa fameuse bague. Et, bien entendu, il m'accuse d'être l'instigateur de ses forfaits. Un léger frisson m'agita. Était-ce vrai? Devais-je croire que l'habitude du vol, son genre d'existence, la logique même des événements avaient entraîné cet homme jusqu'au crime? Je l'observai. Il semblait si calme, ses yeux vous regardaient si franchement. J'examinai ses mains. Elles avaient une délicatesse de modelé infinie, des mains inoffensives vraiment, des mains d'artiste. Ganimard est un halluciné, murmurai-je. Il protesta. Mais non, Ganimard a de la finesse, parfois même de l'esprit. De l'esprit. Si, si, par exemple, cette interview est un coup de maître. Premièrement, il annonce l'arrivée de son rival anglais pour me mettre en garde et lui rendre la tâche plus difficile. Deuxièmement, il précise le point exact où il a mené l'affaire pour que Sholmès n'ait que le bénéfice de ses propres découvertes. C'est de bonne guerre. Quoi qu'il en soit, vous voici deux adversaires sur les bras. Et quels adversaires? Oh, l'un ne compte pas. Et l'autre? Sholmès? Oh, j'avoue que celui-ci est de taille. Mais c'est justement ce qui me passionne et ce pourquoi vous me voyez de si joyeuse humeur. D'abord, question d'amour-propre. On juge que ce n'est pas de trop du célèbre anglais pour avoir raison de moi. Ensuite, pensez au plaisir que doit éprouver un lutteur de ma sorte à l'idée d'un duel avec Herlock Sholmès. Enfin, je vais être obligé de m'employer à fond, car je le connais, le bonhomme. Il ne reculera pas d'une semelle. Il est fort. Très fort. Comme policier, je ne crois pas qu'il ait jamais existé ou qu'il existe jamais son pareil. Seulement, j'ai un avantage sur lui. C'est qu'il attaque et que moi, je me défends. Mon rôle est plus facile. En outre, il sourit imperceptiblement et, achevant sa phrase, « En outre, je connais sa façon de se battre et ne connais pas la mienne. » Et je lui réserve quelques bottes secrètes qui le feront réfléchir. » Il tapotait la table à petits coups de doigt et lâchait de menues phrases d'un air ravi. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. La France contre l'Angleterre. Enfin, Trafalgar sera vengé. Ah, le malheureux! Il ne se doute pas que je suis préparé. Et un Lupin averti. Il s'interrompit subitement, secoué par une quinte de toux. Il se cacha la figure dans sa serviette, comme quelqu'un qui a avalé de travers. « Une miette de pain ? » demandai-je. « Buvez donc un peu d'eau. »« Non, ce n'est pas ça, » dit-il, d'une voix étouffée. « Alors quoi ? » ?»« Le besoin d'air. »« Voulez-vous qu'on ouvre la fenêtre ? » ?»« Non, je sors. Vite, donnez-moi mon par-dessus et mon chapeau. Je file. » Ah, ça, mais que signifie ? Ces deux messieurs qui viennent d'entrer, vous voyez le plus grand ? Eh bien, en sortant, marchez à ma gauche de manière à ce qu'ils ne puissent m'apercevoir. Celui qui s'assoit derrière vous ? Celui-là, pour des raisons personnelles, je préfère. Dehors, je vous expliquerai. Mais qui est-ce donc ? Herlock Sholmès. Il fit un violent effort sur lui-même, comme s'il avait honte de son agitation, reposa sa serviette, avala un verre d'eau et me dit en souriant, tout à fait remis, « C'est drôle, hein ? » Je ne m'émeus pourtant pas facilement, Mais cette vision imprévue... Qu'est-ce que vous craignez, puisque personne ne peut vous reconnaître au travers de toutes vos transformations? Moi-même, chaque fois que je vous retrouve, il me semble que je suis en face d'un individu nouveau. Lui me reconnaîtra, dit Arsène Lupin. Lui, il ne m'a vu qu'une fois, mais j'ai senti qu'il me voyait pour la vie, et qu'il voyait, non pas mon apparence toujours modifiable, mais l'être même que je suis. Et puis, je ne m'y attendais pas, quoi. Quelle singulière rencontre, ce petit restaurant. Eh bien, lui dis-je, nous sortons? Non. Qu'allez-vous faire? Le mieux serait d'agir franchement, de m'en remettre à lui. Vous n'y pensez pas? Mais si, j'y pense. Outre que j'aurai avantage à l'interroger, à savoir ce qu'il sait. Ah! Tenez, j'ai l'impression que ses yeux se posent sur ma nuque, sur mes épaules, et qu'il cherche, qu'il se rappelle. Il réfléchit. J'avisai un sourire de malice au coin de ses lèvres, puis, obéissant, je crois, à une fantaisie de sa nature prime sautière plus encore qu'aux nécessités de la situation, il se leva brusquement. Fit volte-face et s'inclinant, tout joyeux. Par quel hasard! C'est vraiment trop de chance! Permettez-moi de vous présenter un de mes amis. Une seconde ou deux, l'Anglais fut décontenancé. Puis il eut un mouvement instinctif, tout prêt à se jeter sur Arsène Lupin. Celui-ci hocha la tête. Vous auriez tort! Sans compter que le geste ne serait pas beau et tellement inutile. L'Anglais se retourna de droite et de gauche, comme s'il cherchait du secours. « Cela non plus, dit Lupin. D'ailleurs, êtes-vous bien sûr d'avoir qualité pour mettre la main sur moi? Allons, montrez-vous beau joueur. » Se montrer beau joueur en l'occasion, ce n'était guère tentant. Néanmoins, il est probable que ce fut ce parti qui sembla le meilleur à l'Anglais, car il se leva à demi et froidement présenta « Monsieur Wilson, mon ami et collaborateur. Monsieur Arsène Lupin. » La stupeur de Wilson provoqua l'hilarité. Ses yeux écarquillés et sa bouche large ouverte barraient de deux traits sa figure épanouie, à la peau luisante et tendue comme une pomme, et autour de laquelle des cheveux en brosse et une barbe courte étaient plantés comme des brins d'herbe, drus et vigoureux. « Wilson, vous ne cachez pas assez votre ahurissement devant les événements les plus naturels de ce monde, » ricana Herlock Sholmès avec une nuance de raillerie. Wilson balbutia. « Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? » « Vous n'avez point remarqué, Wilson, que ce gentleman est placé entre la porte et moi, et à deux pas de la porte. Je n'aurai pas le temps de bouger le petit doigt qu'il serait déjà dehors. » « Qu'à cela ne tienne, » dit Lupin. Il fit le tour de la table et s'assit de manière à ce que l'Anglais fût entre la porte et lui. C'était se mettre à sa discrétion. Wilson regarda Sholmès pour savoir s'il avait le droit d'admirer ce coup d'audace. L'Anglais demeura impénétrable, mais au bout d'un instant, il appela « Garçon !» Le garçon accourut. Sholmès commanda des sodas, de la bière et du whisky. La paix était signée, jusqu'à nouvel ordre. Bientôt après, tous quatre assis à la même table, nous causions tranquillement. Herlock Sholmès est un homme comme on en rencontre tous les jours. Âgé d'une cinquantaine d'années, il ressemble à un brave bourgeois qui aurait passé sa vie devant un bureau à tenir des livres de comptabilité. Rien ne le distingue d'un honnête citoyen de Londres, ni ses favoris roussâtres, ni son menton rasé, ni son aspect un peu lourd. Rien si ce n'est ses yeux terriblement aigus, vifs et pénétrants. Et puis, c'est Herlock Sholmès, c'est-à-dire une sorte de phénomène d'intuition, d'observation, de clairvoyance et d'ingéniosité. On croirait que la nature s'est amusée à prendre les deux types de policiers les plus extraordinaires que l'imagination ait produits, le Dupin d'Edgar Poe et le Lecoq de Goborio, pour en construire un à sa manière, plus extraordinaire encore et plus irréel. Et l'on se demande vraiment, quand on entend le récit de ses exploits qui l'ont rendu célèbre dans l'univers entier, on se demande si lui-même, ce Herlock Sholmès, n'est pas un personnage légendaire, un héros sorti vivant du cerveau d'un grand romancier, d'un Conan Doyle, par exemple. Tout de suite, quand Arsène Lupin l'interrogeait sur la durée de son séjour, il mit la conversation sur son terrain véritable. Mon séjour dépend de vous, monsieur Lupin. Oh ! S'écria l'autre en riant. Si cela dépendait de moi, je vous prierais de reprendre votre paquebot dès ce soir. Ce soir est un peu tôt, mais j'espère que dans 8 ou 10 jours. Vous êtes donc si pressé ? J'ai tant de choses en train. Le vol de la banque anglo-chinoise, l'enlèvement de Lady Eccleston. Voyons, monsieur Lupin, croyez-vous qu'une semaine suffira ? Largement, si vous vous en tenez à la double affaire du diamant bleu. C'est, du reste, le laps de temps qu'il me faut pour prendre mes précautions, au cas où la solution de cette double affaire vous donnerait sur moi certains avantages dangereux pour ma sécurité. « Eh mais, dit l'Anglais, c'est que je compte bien prendre ces avantages en l'espace de 8 à 10 jours. Et me faire arrêter le 11e, peut-être ? Le 10e. Dernière limite. » Lupin réfléchit et, hochant la tête, « Difficile. Difficile. Difficile, oui, mais possible. Donc certain. »« Absolument certain, dit Wilson, comme si lui-même eût distingué nettement la longue série d'opérations qui conduirait son collaborateur au résultat annoncé. » Herlock Sholmès sourit. « Wilson, qui s'y connaît, est là pour vous l'attester. » Et il reprit. « Évidemment, je n'ai pas tous les atouts entre les mains, puisqu'il s'agit d'affaires déjà vieilles de plusieurs mois. Il me manque les éléments, les indices sur lesquels j'ai l'habitude d'appuyer mes enquêtes. » « Comme les taches de boue et les cendres de cigarettes, » articula Wilson avec importance. « Mais outre les remarquables conclusions de M. Ganimard, j'ai à mon service tous les articles écrits à ce sujet, toutes les observations recueillies, et, conséquence de tout cela, quelques idées personnelles sur l'affaire. Quelques vues qui nous ont été suggérées soit par analyse, soit par hypothèse, ajouta Wilson sentencieusement. Est-il indiscret, fit Arsène Lupin, de ce ton déférent qu'il employait pour parler à Sholmès, est-il indiscret de vous demander l'opinion générale que vous avez su vous former? Vraiment, c'était la chose la plus passionnante que de voir ces deux hommes en présence l'un de l'autre, les coudes sur la table, discutant gravement et posément comme s'ils avaient à résoudre un problème ardu ou à se mettre d'accord sur un point de controverse. Ils s'étaient aussi d'une ironie supérieure dont ils jouissaient tous deux profondément en dilettante et en artiste. Wilson, lui, se pâma d'aise. Herlock bourra lentement sa pipe, l'alluma et s'exprima de la sorte. « J'estime que cette affaire est infiniment moins complexe qu'elle ne le paraît au premier abord. »« Beaucoup moins, en effet, » fit Wilson, éco-fidèle. « Je dis l'affaire car, pour moi, il n'y en a qu'une. La mort du baron d'Autrec, l'histoire de la bague, et, ne l'oublions pas, le mystère du numéro 514, série 23, ne sont que les faces diverses de ce qu'on pourrait appeler l'énigme de la Dame Blonde. » Or, à mon sens, il s'agit tout simplement de découvrir le lien qui réunit ces trois épisodes de la même histoire, le fait qui prouve l'unité des trois méthodes. Ganimard, dont le jugement est un peu superficiel, voit cette unité dans la faculté de disparition, dans le pouvoir d'aller et de venir tout en restant invisible. Cette intervention du miracle ne me satisfait pas. Et alors ? Alors, selon moi, énonça nettement Sholmès, la caractéristique de ces trois aventures, c'est votre dessein manifeste, évident, quoique inaperçu jusqu'ici, d'amener l'affaire sur le terrain préalablement choisi par vous. Il y a là, de votre part, plus qu'un plan, une nécessité, une condition sine qua non de réussite. Pourriez-vous entrer dans quelques détails? Facilement. Ainsi, dès le début de votre conflit avec M. Gerbois, n'est-il pas évident que l'appartement de Maître Détinan est le lieu choisi par vous, le lieu inévitable où il faut qu'on se réunisse? Il n'en est pas un qui vous paraisse plus sûr, à tel point que vous vous y donnez rendez-vous, publiquement, pourrait-on dire, à la Dame Blonde et à Mademoiselle Gerbois. La fille du professeur, précisa Wilson. Maintenant, parlons du diamant bleu. Aviez-vous essayé de vous l'approprier depuis que le baron d'Autrec le possédait? Non. Mais le baron prend l'hôtel de son frère. 6 mois après, intervention d'Antoinette Bréa et première tentative. Le diamant vous échappe et la vente s'organise à grand fracas à l'hôtel Drouot. Serait-elle libre, cette vente? Le plus riche amateur est-il sûr d'acquérir le bijou? Nullement. Au moment où le banquier Herschmann va l'emporter, une dame lui fait passer une lettre de menace, et c'est la comtesse de Crozon, préparée, influencée par cette même dame, qui achète le diamant. Va-t-il disparaître aussitôt? Non. Les moyens vous manquent, donc intermède. Mais la comtesse s'installe dans son château. C'est ce que vous attendiez. La bague disparaît. Pour reparaître dans la poudre dentifrice du consul Bleichen. Anomalie bizarre, objecta Lupin. Allons donc, s'écria Herlock en frappant la table du poing. Ce n'est pas à moi qu'il faut compter de telles sornettes. Que les imbéciles s'y laissent prendre, soit, mais pas le vieux renard que je suis. Ce qui veut dire. Sholmès prit un temps, comme s'il voulait ménager son effet. Enfin, il formula. Le diamant bleu qu'on a découvert dans la poudre dentifrice est un diamant faux. Le vrai, vous l'avez gardé. Arsène Lupin demeura un instant silencieux, puis, très simplement, les yeux fixés sur l'anglais. Vous êtes un rude homme, monsieur. Un rude homme, n'est-ce pas? Souligna Wilson, béant d'admiration. Oui, affirma Lupin, tout s'éclaire. Tout prend son véritable sens. Pas un seul des juges d'instruction, pas un seul des journalistes spéciaux qui se sont acharnés sur ces affaires n'ont été aussi loin dans la direction de la vérité. C'est miraculeux d'intuition et de logique. Pfff, fit l'anglais flatté de l'hommage d'un tel connaisseur. Il suffisait de réfléchir. Il suffisait de savoir réfléchir, et si peu le savent. Mais maintenant que le champ des suppositions est plus étroit et que le terrain est déblayé, eh bien maintenant, je n'ai plus qu'à découvrir pourquoi les trois aventures se sont dénouées au 25 de la rue Clapeyron, au 134 de l'avenue Henri-Martin et entre les murs du château de Crozon. Toute l'affaire est là. Le reste n'est que baliverne et charade pour enfants. N'est-ce pas votre avis? C'est mon avis. En ce cas, Monsieur Lupin, ai-je tort de répéter que dans 10 jours, ma besogne sera achevée? Dans 10 jours, oui, toute la vérité vous sera connue. Et vous serez arrêté. Non. Non? Il faut, pour que je sois arrêté, un concours de circonstances si invraisemblables, une série de mauvais hasards si stupéfiants, que je n'admets pas cette éventualité. Ce que ne peuvent ni les circonstances, ni les hasards contraires, la volonté et l'obstination d'un homme le pourront, Monsieur Lupin. Si la volonté et l'obstination d'un autre homme n'opposent à ce dessein un obstacle invincible, Monsieur Sholmès. Il n'y a pas d'obstacle invincible, Monsieur Lupin. Le regard qu'ils échangèrent fut profond, sans provocation d'une part ni de l'autre, mais calme et hardi. C'était le battement de 2 épées qui engagent le fer. Cela sonnait clair et franc. À la bonne heure, s'écria Lupin, voici quelqu'un. Un adversaire, mais c'est l'oiseau rare et celui-là est Herlock Sholmès. On va s'amuser. Vous n'avez pas peur? Demanda Wilson. Presque, monsieur Wilson, et la preuve, dit Lupin en se levant, c'est que je vais hâter mes dispositions de retraite, sans quoi je risquerais d'être pris au gîte. Nous disons donc 10 jours, monsieur Sholmès. 10 jours. Nous sommes aujourd'hui dimanche. De mercredi en 8, tout sera fini. Et je serai sous les verrous? Sans le moindre doute. Bigre, moi qui me réjouissais de ma vie paisible, pas d'ennui, un bon petit courant d'affaires, la police au diable et l'impression réconfortante de l'universelle sympathie qui m'entoure. Il va falloir changer tout cela. Enfin, c'est l'envers de la médaille. Après le beau temps, la pluie. Il ne s'agit plus de rire. Adieu. Dépêchez-vous, fit Wilson, plein de sollicitude pour un individu auquel Sholmès inspirait une considération visible. Ne perdez pas une minute. Pas une minute, monsieur Wilson. Le temps seulement de vous dire combien je suis heureux de cette rencontre et combien j'envie le maître d'avoir un collaborateur aussi précieux que vous. On se salua courtoisement, comme, sur le terrain, deux adversaires qui ne divisent aucune haine, mais que la destinée oblige à se battre sans merci. Et Lupin, me saisissant le bras, m'entraîna dehors. Qu'en dites-vous, mon cher? Voilà un repas dont les incidents feront bon effet dans les mémoires que vous préparez sur moi. Il referma la porte du restaurant et s'arrêta quelques pas plus loin. Vous fumez? Non, mais vous non plus, il me semble. Moi non plus. Il alluma une cigarette à l'aide d'une allumette bougie qu'il agita plusieurs fois pour l'éteindre. Mais aussitôt, il jeta la cigarette, franchit en courant la chaussée et rejoignit deux hommes qui venaient de surgir de l'ombre comme appelés par un signal. Il s'entretint quelques minutes avec eux sur le trottoir opposé, puis revint à moi. Je vous demande pardon. Ce satané Sholmès va me donner du fil à retordre. Mais je vous jure qu'il n'en a pas fini avec Lupin. Ah, le bougre, il verra de quel bois je me chauffe. Au revoir. L'ineffable Wilson a raison. Je n'ai pas une miette à perdre. Il s'éloigna rapidement. Ainsi finit cette étrange soirée, ou du moins la partie de cette soirée à laquelle je fus mêlé. Car il s'écoula pendant les heures qui suivirent bien d'autres événements que les confidences des autres convives de ce dîner m'ont permis heureusement de reconstituer en détail. Fin de la section 5.